Et c'est parti. Alors franchement, on va rien se cacher, comment allez-vous? Ça va bien? Il est 20h passé de 5 minutes ici en France, à Bordeaux, et même dans la France entière. Mais il est 14h passé de 5 minutes sur la côte est des États-Unis. Salut, hello Michael Onorato du New Jersey. Hello également Edgar en Floride, ou Marie-Pierre en Floride aussi. Et puis salut à tout le reste du monde, parce qu'il y en a qui écoutent en Belgique, il y en a qui écoutent du côté de Paris, il y en a qui écoutent à Bordeaux aussi, hein, c'est bien à Bordeaux. Et donc je vous souhaite une très très bonne soirée à l'écoute des programmes d'RIG et notamment de la saga des Fab Four, la radio des Beatles. La semaine de l'album de la semaine, je vais mettre les mots dans l'ordre, c'est l'album Tug of War de Paul McCartney en 1982. Pourquoi? Et parce que comme j'ai acheté les coffrets très récemment, je sais que dans les prochains albums à venir, remasterisés et avec un grand bouquin et tout ça, il y aura Tug of War. Donc j'ai eu envie de vous le proposer. On écoutera Ebony and Ivory avec Stevie Wonder, ça c'est dans le style McCartney. On écoutera Take It Away, on écoutera Ballroom Dancing, What's That You're Doing dans le style de Stevie Wonder, avec Stevie Wonder, et Wanderlust et Somebody Who Cares. Voilà pour l'album de la semaine. Il y aura également du Lennon, du Harrison, du Starr et du George Harrison avec Paul Simon par exemple, avec pour Lennon Woman is the Nigger of the World sur l'album Sometime in New York City, son plus mauvais album post-Beatles. Trop politique, trop avec des hurlements de Yoko Ono dedans. Mais bon, il y a quand même 3-4 chansons à sauver sur cet album-là. Donc de 1972 pour Harrison, Waiting on You All, de 1970 pour Ringo Starr, Love Me Do, oui, il s'est vengé. J'expliquerai ça plus tard sur Vertical Man en 98. Et puis pour les Beatles, ce sera Here Comes the Sun, mais chanté par Ringo Starr et Paul Simon. C'était un Saturday Night Live, si je me souviens bien. Et je pense que c'était en 1976. Pour l'instant, voici l'album de la semaine et le premier titre, Ebony and Ivory. Il est parti d'une constatation simple. Sur les touches de son piano, il y a des touches blanches, il y a des touches noires qui vivent ensemble sans aucun problème. Alors pourquoi pas nous? Chanson simple, chanson de paix et chanson qui a fait un tube. good and bad, mm-hmm, in everyone. We learn to live when we learn to give each other what we need to survive. Together alive, Ebony and Ivory. Vous êtes d'accord avec moi, mais quelquefois ce genre de titre, on l'a écouté, et on se dit ouais, j'en ai marre, c'est bien, mais j'en ai marre. Et puis après avoir passé un certain nombre de temps sans l'écouter, et ben on prend un réel plaisir à le réentendre. Vraiment, j'aime bien Ebony and Ivory, ça me fait plaisir de le réentendre. Avant de passer au titre suivant, je vais essayer de faire une chose, mais je suis pas sûr que ça marche. Comme le font la plupart des radios, les radios vous disent vous pouvez également mettre un mot sur Twitter. Et bien j'ai une adresse Twitter. L'adresse Twitter, c'est hashtag Thierry Saga. Thierry Saga, Saga en grosses lettres, et Thierry normalement. Alors, essayez de poser une question, de commenter quelque chose pour voir si ça marche. Vous êtes sur 90.7, ça c'est pour la région bordelaise, et sur www.rigfm.fr pour le reste du monde. Is the nigger of the world. Yes, she knew. Think about her. Woman is the nigger of the world. Think about her. Do something about it. We make her paint her face and dance. Won't be a slave and say that she don't love. If she's real, we say she's trying to be a man. While putting her down, we pretend that she's above us. was a confidence. When she's young, we kill her will to be free. Why tell her not to be so smart? We put her down for being so dumb. Sortie du cri de Janov, John Lennon. Et puis, cette chanson a été inspirée par sa femme Yoko Ono. Et il disait donc que la femme est le nègre de l'homme. En gros, elle est l'esclave de l'homme à cette époque-là, en 1972. Et donc, il luttait pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Et là, je lui donne raison à monsieur John Lennon, c'est bien. Voici 2 ans avant, monsieur George Harrison et Waiting on Your Own sur RG. Don't need a love list. Don't need a best plan. You don't need a heart as your full of right. Unless you're in. You open up your heart. You know what I mean. The people who need to love. That is the way for you to get to sleep. By jazz in the name of the Lord and you'll be free. The Lord is the way to love your heart. Don't need no passport, don't need no visa. You don't need the designated onto every great before you can see Jesus. If you open up your heart, you see his rider. It always was and will be, leave you of your we'll be right back. Je vous ai parlé d'une petite vengeance et pour cause, écoutez ceci. Love Me Do est le premier et la première chanson publiée par le groupe britannique Les Beatles. Elle est sortie en single le 5 octobre 62. C'est pour ça que quand je vous parle de la saga, je vous dis toujours c'est à partir d'octobre 62 avec la sortie de Love Me Do jusqu'à nos jours. Avec PS I Love You en face B et figure sur leur premier album Please Please Me commercialisé le 22 mars 1963. Elle a été écrite principalement par Paul McCartney avec un peu de collaboration de John Lennon dedans et est crédité Lennon-McCartney, en fait McCartney-Lennon sur le premier album. Comme toutes les chansons du groupe écrites soit par Lennon soit par McCartney, soit en collaboration, ce nom sera crédité ainsi, sauf sur le premier album où c'est crédité McCartney-Lennon, puis remis en ordre dans l'ordre suivant à partir de With the Beatles. Love Me Do revêt à plusieurs titres une importance considérable dans la carrière des Beatles. C'est cette chanson qui attira l'attention de George Martin lors de leur première audition dans les studios EMI d'Abbey Road le 6 juin 62. Et c'est également avec elle que les Beatles imposèrent, que les Beatles imposèrent à leur nouveau producteur qui souhaitait leur faire interpréter comme première chanson une chanson qu'ils n'avaient pas composée. Évidemment, en direct, le nom me revient pas, je pense que vous allez me le dire très très vite, mais j'arrive pas à revenir, me rappeler du nom de la première chanson qui aurait pu faire place à Love Me Do. Par contre, la particularité de cette chanson-là, et j'y arrive enfin, c'est qu'elle a eu trois batteurs différents. Pete Best, avant que les Beatles soient connus. Puis, au moment de l'enregistrement en studio, Andy White, musicien du studio, alors que Ringo Starr, là aussi, a interprété sur scène et puis sur le 45 tours, il me semble. Donc, il a été un peu frustré, Ringo Starr. Donc, en 98, il s'est dit, moi, je vais faire ma version de Love Me Do et ce sera moi à la batterie. Ça a été le cas. Voici les Beatles ensemble. Non, vraiment. C'est Paul Simon et George Harrison en 76 au Saturday Night Live pour Here Comes the Sun sur RG. Sun, I say it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun. The sun, I say, but it's all right. Little darling, the smiles returning to the faces. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun, I say, but it's all right. It's all right. autre extrait de l'album de la semaine, Take It Away sur RG. Dans le bouquin Paul McCartney Recording Session 1969-2013, on apprend des choses. On apprend pour Take It Away, par exemple, que après des années de séparation, Paul avait repris contact avec Ringo. Et l'été précédent, on est en 1981, il s'était vu dans le studio français qui se trouve dans les Alpes. Oui, c'est dégoûtant, hein, j'aurais bien aimé être là. Il avait aidé Ringo pour son prochain album, puisqu'il lui avait apporté deux chansons, Attention, Private Property. Par exemple, il avait préparé des démos. Et durant cette période, toujours dans les Alpes, il a rencontré Laurence Hubert, il était avec Laurence Hubert, Howie Kazé et d'autres, et ils ont enregistré 5 chaque chanson, dont Show to Fall in Love with You, une cover de Carl Perkins, Love's Full Glory, une chanson pour Linda, et une jam qui s'appelait Can't Fight Lightning. Et puis, le fait de se voir comme ça, ça lui a inspiré la chanson Take It Away. Et donc, il l'a fait écouter, et c'était comme ça que ça a commencé. C'est bien. Voici les Beatles et Year Blues. Nous sommes en 1968, et vous êtes bien sur RIG en 2014. You know the reason why. You know the reason why. La radio des Beatles. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Should

what you value, c'est ce que tu vaux. Et d'ailleurs, si vous voulez tout savoir sur les Beatles, sur George Harrison, sur Paul McCartney, sur John Lennon, sur Ringo Starr, sur ceux qui font de la radio, et il y en a partout en Europe, aux États-Unis, dans le monde, eh bien, allez voir du côté de Beatles Magazine sur Facebook avec Lovely Rita. Vous pouvez tout savoir 24 heures sur 24 avec des vidéos, avec des interviews, c'est avec des liens pour écouter les autres radios, notamment celle de mon pote Michael Honorato le lundi soir aux États-Unis de 10h à minuit. Pour nous en France, c'est le mardi matin de 4h à 6h. Je l'ai déjà écouté, hein, c'est très sympa, mais il faut savoir se lever tôt. Et donc faites-le, et vous, comme ça vous saurez tout sur, non pas le Zizi, mais sur les Beatles. Et c'est très bien comme ça. Merci, Lovely Rita. Aucun rapport. I don't believe you. C'est Ringo Starr qui chante. You've done me wrong. I can see it in your face. I can't take much more of this. Gonna put you in your place. Telling lies won't get you far. I learned that in my youth. I'm giving you just one more chance, and all I want from you is truth. I don't believe you. About your credit cards, all your fancy clothes. Forget about my rings and things, and the powder for your nose. It wouldn't take that much from you to keep me satisfied. But you won't see my face no more if you don't stop telling lies. I don't believe you. Année, c'est I Don't Believe You, c'est sur l'album Time Takes Time, il me semble, en 1992 de Ringo Starr. Alors ceux qui disent Ringo Starr, oui, il a rien fait après la séparation, ben non, mais il a fait des choses et des bonnes choses. Revenons à l'album de la semaine, 10 ans avant 1992, en 1982, et cette très belle chanson Ballroom Dancing, Monsieur Paul McCartney sur Tug of War. On monte le son, on pousse les tables et on danse. Vous êtes sur RIG. Ballroom dancing made a man of me. Ballroom first for 5 dances in this competition. That's the cha-cha-cha. Et voici donc la pub. Ériger votre radio locale se fonde sur une valeur essentielle. Chaque auditeur est unique. Communiquer avec chacun d'entre vous est essentiel. Ériger veut développer et enrichir son site internet pour le rendre plus accessible et interactif. Vous donner la parole et permettre de vous approprier nos émissions. Votre soutien nous sera précieux. Aidez-nous à mettre en œuvre ce projet, à le financer. Chaque participation, même la plus minime, aura sa valeur, car RIG Radio Associative dispose de peu de moyens. Pour souscrire, adressez vos dons à RIG BP 66 33 290 Blanquefort. Toute l'équipe de RIG vous est reconnaissante pour votre engagement. L'association Les Amis de RIG vous fera parvenir un reçu.

le 10 juin 2013 au Barclays Center de New York, Monsieur Paul McCartney, s'il vous plaît. On retrouve John Lennon maintenant dans la saga des Fab Four avec un extrait de Mind Games sorti en 1973. Voici Only People sur RIG. De ce rock agréable et sans conséquence est une phrase de Yoko citée sur la pochette de l'album « Only people can change the world », seuls les gens peuvent changer le monde. John y ajouta un aphorisme qui n'est pas le meilleur qu'il ait commis, la folie est le premier signe des pellicules. On peut se demander si cette dernière phrase n'aurait pas inspiré une meilleure chanson. Telle qu'elle est, « Only people » revisite le thème d'Instant Karma, le potentiel de la collectivité sur la formation de l'avenir, sans la foi radieuse de cette dernière. John répétait peut-être son message parce qu'il croyait dans la répétition des mantras, à moins qu'il n'ait manqué d'idées nouvelles. Diverses forces étaient à l'œuvre durant cet été 73, dont la conjonction mènerait à la chute de Nixon, qui démissionnerait un an plus tard. Mais une foule réunie devant les studios Robert Plant de New York pour clamer des slogans hostiles n'en faisait probablement pas partie. Voilà ce qu'on peut dire au sujet de cette chanson-là. Et ça nous donne l'occasion de retrouver Paul McCartney dans l'album de la semaine et cette superbe chanson Wanderlust sur RIG. que j'aime bien dans l'interactivité sur Facebook, sur Maca Club ou sur Yellow Sub, c'est que quand j'ai pas le temps de vous répondre, vous parlez entre vous. Par exemple, il y a Pascal qui demande au sujet de la chanson de John Lennon que j'ai passée il y a quelques instants, Only People, elle est sur quel album cette chanson-là, parce que j'ai peut-être pas eu le temps de le dire, ou alors il a pas entendu. Eh bien, avant que je réponde, Clément répond Mind Games. Pascal, ah bon, merci, je vais le remettre sur ma platine, etc., etc. C'est bien, continuer à vous parler entre vous, ça me va très très bien. Voici la 17e chanson. Pendant la 17e chanson, c'est une cover. La cover, c'est une chanson que John, Paul, Ringo ou George ont chantée, même si eux-mêmes avaient fait la cover d'un autre artiste, comme par exemple Chuck Berry ou Little Richard, par exemple. Mais là, je vous ai choisi une chanson de The Heart of McCartney. Je n'ai pas voulu passer la chanson de Bob Dylan parce qu'elle est vraiment affreuse, mais par contre je vous passe une surprise, parce que en 1978, sur l'album Sgt Pepper, le film raté avec les Bee Gees, Alice Cooper avait chanté une chanson des Beatles, ça avait été plutôt très mauvais. Là, il a fait un effort et c'est plutôt très bien. Voici Eleanor Rigby, chantée par Alice Cooper sur l'album The Heart of McCartney. Ah, look at all the lonely people. Rigby picks up the rice in the church when her wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing a face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, donning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Rigby died in the church and was buried along with her name. Nobody came. Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved. All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Saga, Sa si tu crois en toi, tout ce que tu espères, ça peut arriver. En gros, eh ben, j'espère que ça m'arrivera parce que j'y crois. Pour certaines choses, pour d'autres, j'ai du mal. Voilà, c'était George Harrison en 1979 sur l'album qui s'appelle George Harrison. Écoutez cette basse extraordinaire, All Brown Shoe, les Beatles et George Harrison encore. Alain sur yellowsub.fr pose la question, est-ce que ce n'est pas George Harrison qui joue de la basse sur ce morceau-là? Ah là, je dois avouer que je ne sais pas, moi je pensais que c'était Paul McCartney, mais est-ce que vous le savez vous? Est-ce que c'est George qui joue la basse sur ce morceau-là? À vérifier et on vous dira ça dans quelques minutes, je compte sur vous les internautes. La chanson suivante est une chanson que je passe très rarement, parce que c'est l'époque où Ringo Starr sombre dans l'alcool et où il va franchement très très mal. Nous sommes en 1977, l'album s'appelle Ringo the Fourth, et une des chansons qu'on peut éventuellement sauver de cet album-là, c'est Sneaking Sally Through the Alley, et franchement, c'est pas quelque chose d'inoubliable, écoutez. Réponse à Alain au sujet de qui joue de la basse sur All Brown Shoe. Bien, Clément dit c'est George Harrison qui joue la basse et c'est confirmé sur internet. Vous avez dit que vous avez joué de la basse sur All Brown Shoe. Oui, j'ai joué comme un fou qui joue. Et c'est comme si McCartney avait encore pété les plombs. J'ai pété les plombs, dit George Harrison. Je joue exactement la même chose que sur la guitare. Voilà. Et donc, chapeau, parce que là, c'est franchement très très bon. Et on retrouve Paul McCartney, l'album de la semaine, et la chanson qui est dans le style de Stevie Wonder. Mais McCartney, comme c'est un vrai caméléon, il y arrive sans problème à se glisser dans ce style-là. Vous pouvez pousser les tables encore une fois et danser, parce que c'est What's That You're Doing sur RIG. You got good me right down the side. I'll be thirst, quench your thirst. I'm the lucky one who keeps the prize. Girl, that's what you do now. Saga des Fab Four, c'est John, Paul, Ringo et George avec Thierry Gallet. Everybody's busy on the road. Nobody's quite sure where they're going to. the highway code. Nobody's quite sure what the man to do. Everybody's tied up in a solid state. Nobody's without twin reverb. Everybody's in control of his own fate. Nobody can make it off the curb. Cadeau de moi pour vous, George Harrison dans les années 70, Everybody, Nobody. Lui, c'est John Lennon en 1974 sur l'album Walls and Bridges. Et voici Number 9 Dreams sur RG.

Et il est temps pour nous de marquer une deuxième et dernière pause. RIG, votre radio locale, se fonde sur une valeur essentielle. Chaque auditeur est unique. Communiquer avec chacun d'entre vous est essentiel. RIG veut développer et enrichir son site internet pour le rendre plus accessible et interactif. Vous donner la parole et permettre de vous approprier nos émissions. Votre soutien nous sera précieux. Aidez-nous à mettre en œuvre ce projet, à le financer. Chaque participation, même la plus minime, aura sa valeur, car RIG Radio Associative dispose de peu de moyens. Pour souscrire, adressez vos dons à RIG, BP 66, 33 290, Blanquefort. Toute l'équipe de RIG vous est reconnaissante pour votre engagement. L'association Les Amis de RIG vous fera parvenir un reçu. Paul McCartney here, and you're listening to RIG. Widescreen Radio. I can't ask you to thrill me, and that be asking too much. I can't ask you to fulfill my expectations that you gave me. The feeling that's been building inside me is too hard to resist. I can't wait much longer till you tell me, baby, there's some chance we'll get together, maybe. Sooner or later I'll be in with half a chance. I can't wait till I hear you tell me that you want me. Till then my dreams are gonna haunt me. Got my demon doing such a happy dance. Watch my demons dance, watch my demons dance, watch my demons dance, oh no. franchement pas ma chanson préférée de l'album New. Alors elle a préféré d'abord l'écarter, puis finalement l'inclure dans la version New Collector's Edition qui est sortie, que vous pouvez retrouver sur iTunes par exemple. Comme ça vous n'achetez que les bonus, vous n'avez pas besoin de re-acheter l'album entier. Vous faites comme vous voulez, hein. Mais moi je l'ai acheté exprès pour vous, les amis. Voici The Night Before, les Beatles. On prolonge un petit peu puisque Eric n'est pas là ce soir. Il n'y avait pas de points de vue plus opposés sur la vie et l'amour que ceux de Paul et John. Tandis que John se posait en victime, Paul se disait maître de son destin. Dans If I Fell, John exige qu'on lui garantisse la stabilité d'un amour. Tandis que dans I'll Follow the Sun, Paul reconnaît qu'une telle promesse est impossible. Il sait qu'un orage peut survenir dans une relation amoureuse et préfère suivre le soleil. I'll Follow the Sun est une ancienne composition de Paul qui fut retravaillée lorsque le besoin de matériel se fit pressant. Il écrivit en 1959, année durant laquelle quatre titres de Buddy Holly prirent la première place des charts à la suite de son décès en février. L'influence qu'eut sa musique sur le jeune McCartney est évidente dans I'll Follow the Sun. Buddy Holly était très important pour les Beatles parce que, contrairement à Elvis, il composait ses propres chansons et avait un groupe régulier. John, qui était myope, était heureux de voir qu'un homme qui portait des lunettes pouvait tout de même devenir une star du rock. Et le nom Beatles, un jeu de mots en forme de néologisme sur Beatles, B2ETLES, les scarabées, et un hommage au grillon de Buddy Holly et les crickets. Voilà. Les Beatles enregistrèrent précipitamment lors des dernières séances une sélection de classiques du rock qu'ils avaient rodés sur scène pour compléter l'album Beatles for Sale, incluant donc une composition de Chuck Berry, Rock and Roll Music, une de Liber Stoller, Kansas City, une de Little Richard, Hey Hey, une de Buddy Holly, Words of Love, deux chansons de Carl Perkins, Honey Don't et Everybody's Trying to Be My Baby. À la sortie de l'album, Paul déclara au magazine Mercy Beat: quelques-unes de nos anciennes chansons valent d'être enregistrées. De temps en temps, nous nous souvenons d'une chanson que nous avions composée il y a longtemps. Et l'une d'entre elles, I'll Follow the Sun, est sur l'album. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette chanson. Et il est 22h06, voici la dernière chanson de la saga des Fab Four avant le petit rab. Chanson de Ringo Starr sur Rotogravure en 76, et c'est écrit par George Harrison. Très belle chanson. Paul McCartney dans la saga des Fab Four.

yet may never be the same again. Ça s'arrête quoi, il va être 22h30, il est temps de rentrer, il est temps de manger pour moi, il est temps d'aller vous coucher, il est temps de faire d'autres choses, voilà, bref, merci d'avoir écouté cette 232e je crois, hein, ouais, 232e saga des Falfort, et pour la 233, elle est déjà prête, je peux vous dire une chose, j'ai eu envie comme ça. Ce ne sera pas une saga des femmes fortes, ce sera une saga de cover. 2 heures de cover, c'est Eddie Hart of McCartney qui m'a inspiré. Pendant 2 heures, on écoutera que des chansons des Beatles et des Beatles séparés, mais chantées par d'autres personnes. Donc rendez-vous mercredi prochain, même heure, même endroit, parlez-en autour de vous. La saga des covers, ce sera la semaine prochaine. Bye bye, salut, à très bientôt, ciao. Et merci.